Les médias étrangers traitent largement du 9 au 11 courant la réussite coréenne à l'essai d'explosion d'ogives nucléaires sous le titre test fructueux par la Corée de la capacité d'ogives nucléaires nouvellement mise au point. La Corée du Nord déclare avoir fait l'essai d'explosion d'ogives nucléaires face aux hostilités américaines. Ce sont les presses écrites et parlées iraniennes, nigérianes, angolaises, russes, népalaises, indiennes, françaises, du Congo démocratique, tchèques et polonaises.